Pendant un an, depuis le premier campement à la colonie de vacances de Mangyongdae, réaménagé au pied de la colline de Ryonga pittoresque de Pyongyang, plus de 18 000 élèves de presque 400 écoles au total y ont fait leur séjour. Cette année, la colonie a reçu jusqu'à présent plus de 6 000 élèves de la ville de Pyongyang.